entreprise. Donc, Inch'Allah, on a terminé avec le premier des nawaqid de l'islam, alladhi huwa ash-shirk. والشرك كما تذاكرنا هو أعظم الذنوب، أعظم الذنب على الإطلاق، ليس هناك ذنب أعظم من الشرك. Donc le shirk c'est le plus grand des péchés. Il n'y a pas un péché plus grand que le shirk. نعم. فلهذا يجب على جميع المسلمين أن يخافوا غاية الخوف من الوقوع في هذا الذنب الذي يهبط أو يحبط العمل. Donc normalement, il est impératif à tous les musulmans de craindre de tomber dans ce péché qui annule les œuvres. نعم. كما تذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة وهم خيرة الخلق بعد الأنبياء وقال لهم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. La chose la plus grande que je crains pour vous, c'est le shirk al-asghar, le petit shirk. Et ça, c'est le prophète صلى الله عليه وسلم qui parle aux meilleurs des créatures après les prophètes qui ne sont autres que les compagnons. نعم. فيجب علينا أن نخاف من الوقوع في هذا الذنب كما خاف خليل الله عليه الصلاة والسلام إبراهيم فقال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالـ prophet إبراهيم a lui aussi eu peur de tomber dans le shirk. Il a demandé à الله سبحانه وتعالى qu'il l'éloigne, lui ainsi que ses enfants, de tomber dans l'association ou l'adoration des statues. وقال إبراهيم التيمي من يأمن البلاء بعد إبراهيم. Et qui peut être en sécurité de tomber dans le shirk après Ibrahim? Ça veut dire si Ibrahim عليه السلام وهو يعني أبو الأنبياء. Si lui, il a craint de tomber dans le shirk, فغيرهم من باب أولى. Donc autre que lui, d'une manière encore plus évidente. نعم. طيب قال الثاني. من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. Donc celui qui met entre lui et Allah des intermédiaires qui l'invoquent et à qui il va demander, et sur qui il va placer sa confiance. Alors cette personne-là a certes mécru, bilijma'. Bilijma' ma ma'na, Abdel Malik. Bilijma'. En français. Ouais. Le consensus. Le consensus. Naam. Le consensus, l'unanimité des savants. قال وهذا النوع المفروض بألف واللام وهذا النوع داخل في نواق في الناقد الأول. Et ce genre, c'est-à-dire ce naqid là, cette abrogation, en vérité, elle rentre dans la première des abrogations, qui n'est autre que le shirk. لكن الشيخ أفرده وجعله نوعا مستقلا لكثرة وقوعه. Mais Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab, il l'a séparé du premier. Et il en a fait une abrogation en album à cause de la multiplication ou à cause du fait que les gens tombent dans cela كثيرا énormément. وإلا هذا يدخل تحت الأول الذي هو ماذا الشرك في عبادة الله. نعم. ودليل هذا الناقد الدليل السناقد قوله تعالى لا سورة سورة لفاي vous avez un ayat de سورة يونس mais c'est pas celui-là vous le barrez. Et c'est, vous mettez le ayah de surat Zumar, le troisième verset de surat Zumar. Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَمَا فِي إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. يعني الشاهد أن الله سبحانه وتعالى كفرهم بماذا؟ بأخذ هؤلاء وسائط بينهم وبين الله. وهذا صريح. نعم. Donc ce verset-là il est plus clair que le verset qu'on avait évoqué de sourate Yunus. Donc celui-là c'est verset 3 de sourate Zumar. وقال العلامة الفوزان فسمى فعلهم كذبا وسماه كفرا بل مبالغة بل المبالغة في الكفر لأن الكفار صيغة المبالغة فالذي يفعل هذا قد بلغ غاية الكفر وأعظم الكفر. الشيخ فوزان يقول الله سبحانه وتعالى il a cité dans ses versets, c'est-à-dire le verset de sourate Zumar, verset 3. Il a appelé ceux qui font ce genre d'œuvre, c'est-à-dire le fait de prendre des intermédiaires, il les a appelés, il a dit que c'était des menteurs ainsi que des mécréants. Non. Donc celui qui fait cela, il est certes sorti de l'islam. الوسائط جمع وساطة الوسائط جمع وساطة وهو ما يتوصل به إلى الشيء. Donc الوسائط c'est les intermédiaires. الوسائط c'est le pluriel de وساطة. Et c'est la chose de par laquelle on atteint une autre. نعم. Vous savez qui peut définir mieux la phrase plus correcte. Pour le chauffard. La wasat. Huwa ma yatawassalu bihi ila shay. C'est la chose qu'on prend comme intermédiaire pour arriver à une chose. D'accord. Non. Wa tanqasimu al-wasa'it ila qismayn. Et les intermédiaires se divisent en deux. C'est pourquoi le fait qu'on dise, quelqu'un dise hal tattakhid أو هل اتخاذ الوسائط كفر وأنت تجيبه نعم ها؟ هذا غلط بل le fait que tu dises نعم إطلاقا on peut te kafar par rapport à ça. نعم. Donc les وسائط les intermédiaires sont deux sortes. وسائط شرعية لوسائط شرعية وهم الرسل لأنهم وسائط بين الخلق والخالق ويلحق بهم بعض الملائكة وكذلك العلماء. Donc le premier de ces catégories c'est les intermédiaires qui sont légiférés. Et ceux-là ne sont autres que les messagers, qui sont des intermédiaires entre les créatures et le créateur. Et en comparaison à cela aussi, on ajoute certains anges, comme qui parmi les anges? Jibril, alayhi salatu wa salam. Al-muwakkal bimada? Bilwahi. Non. C'est bien et bien un intermédiaire entre Allah Azza wa Jal et les prophètes. نعم نعم نعم أحسنت فكلهم وسائط وكذلك العلماء et même les علماء aussi ce sont des intermédiaires entre les créatures et le créateur في ماذا في بيان الشرع الشرع فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون demandez aux gens de science si toutefois vous ne savez pas. C'est-à-dire, eux, ils veulent une fatwa. C'est quoi le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur un tel ou tel point? Et le savant, il vient, il leur donne la fatwa. Donc le savant, il est bel et bien un intermédiaire entre les créatures et le créateur. Non. Donc tout ça, c'est des wasa'at shar'iyya. Donc cela, il rentre dans les wasa'at shar'iyya. Le fait de dire qu'il n'y a pas de wasa'at shar'iyya, maintenant, de dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Allah et ses créatures, c'est comme si tu reniais les messagers. Ah, d'accord. C'est pourquoi je vous ai dit, si on te pose la question, est-ce qu'il y a des intermédiaires entre les créatures et Allah, le fait de dire non tout de suite, c'est une khata. Et le fait de dire oui tout de suite, c'est une khata. Lakin madana kol, hunak tafsir. C'est un point qu'il faut détailler. Si tu veux dire par les intermédiaires, les messagers d'Allah Azza wa Jal, ainsi que certains malaïka, ainsi que les ulama, c'est haqqan. Quels sont les ulama, c'est les intermédiaires? Dans le sens où que les gens, s'ils ne savent pas leur religion, voilà, c'est la transmission de la science. C'est pas dans le sens où il doit à travers eux. Là, là. لا لا هذا سيدخل في النوع الثاني عظم تدي أول شيخ ابن باز demande pardon pour moi الله هذا شرك عرفتم لا يصلح نعم لكن من حيث العلم si tu ne sais pas une مسألة علمية ou tu ne sais pas une chose de ta religion tu demandes au savant enfin, c'est comme s'ils sont un intermédiaire entre toi et ton Seigneur. نعم. طيب والقسم الثاني وصائط غير شرعية وهو أن يجعل بين الله وخلقه وصائط يرفعون إليهم حوائجهم. نعم حوائجهم. وهو المراد هنا. طيب الدوزيام كاتيجوري. Et c'est le but visé par les paroles de Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab. Lorsqu'il dit man ja'ala baynahu wa bayna Allah wasa'ita. Les wasa'it, c'est la deuxième catégorie. Non. Celles qui ne sont pas légiférées. Et c'est le fait que la personne, elle prenne entre lui et son Seigneur un quelconque intermédiaire vers lequel ils vont renvoyer leurs demandes ainsi que les choses dont ils ont besoin. Ils vont demander à cet intermédiaire. Et c'est le but visé de la parole de Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab dans le Nawaqid al-Thani, dans le Naqid al-Thani. Naam. طيب وقوله يدعوهم يعني قال الدعاء ينقسم الى قسمين. كذلك l'invocation elle se divise en deux. L'invocation se divise en deux. دعاء المسألة Dua ul mas'ala, c'est la dua qu'on appelle dua de la demande. Et là, dua al-ibada. Dua ul mas'ala, wa dua al-ibada. Dua ul mas'ala, huwa dua al-talab, ay talab al-hajat. Donc, dua ul mas'ala, c'est une demande en vérité. C'est une demande. Yani, peu importe, tu demandes en fonction, tu demandes une chose dont tu as besoin. Ça s'appelle du'a mas'ala. Na'am. Wa huwa ibadatun idha kana min al-'abd li rabbihi. Idha kana min al-'abd li rabbihi. Et c'est une adoration si cette demande se fait du serviteur vers son Seigneur. C'est une adoration. ويجوز إذا صدر من العبد لمثله من المخلوقين إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة. Et il est permis de faire cette dua. La créature, c'est-à-dire le serviteur, peut faire cette dua, c'est-à-dire dua al-mas'ala, vers autre qu'Allah. C'est une demande. Tu demandes un quelconque besoin, ça c'est permis que tu demandes à autre qu'Allah. Na'am. Lakin. Labud an yakun al-mad'u. Ya'qil al-dua. Mais tu te dois, c'est-à-dire si tu demandes une chose à quelqu'un, tu te dois que cette personne, elle comprenne cette dua, elle l'entende, elle la comprenne, et aussi qu'elle soit capable d'y répondre. Comme on a vu précédemment, les surot, bidalek, an yakuna hayyan qadiran, mada hadiran, présent, capable et vivant. Ma ada al-jinn, فإن الاستعانة والاستعادة والاستغاثة بهم حرام. Mais ceci, c'est à accepter les djinns. Les djinns, il t'est interdit de leur demander de l'aide. Demander de l'aide aux djinns, فهذا حرام. S'appuyer sur eux, c'est حرام. نعم. نعم. لقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Car certes, il y avait des hommes parmi les êtres humains qui cherchaient refuge auprès des hommes parmi les djinns, auprès des mâles parmi les djinns. Et ceci n'a fait que de leur rajouter de l'égarement. على خلاف في معنى رهقا. اختلف العلماء في معنى. Al-Muhim, c'est un dalil qati' sur le fait qu'il n'est pas possible de demander l'aide ou de chercher refuge auprès des djinns. Même s'ils sont capables, même s'ils sont présents et même s'ils sont vivants. Hada la yajouz. Non. Wa hal huwa min ash-shirk wa la. Hada. يعني ما أظن أن هذا يرفع إلى مسألة يعني إلى قضية الشرك، لكن هي ذريعة. C'est un chemin qui peut mener au shirk. Le fait de chercher refuge auprès des djinns, c'est un chemin qui peut mener au shirk. Mais al-bahir, c'est que c'est pas du shirk en lui-même. لأنه حي حاضر قادر. طيب لكن حتى وإن لم ترى نبي الله سليمان قد استعان ببعض الجن، أليس كذلك؟ قال عفريت من الجن فأتوا بكرسي حق ملك السبأ. عرفت؟ لو كان هذا الفعل شركا فلا ما فعله سليم. نعم. طيب إذن انتهينا من الدعاء، دعاء المسألة. Donc دعاء المسألة c'est une demande. Si elle est faite du serviteur à son seigneur, c'est une adoration. تمام. Et si elle est faite du serviteur vers un autre, du moment que cette personne est capable, présente et vivante, alors là, ben, ça va. Mais toutefois, il ne faut pas que la personne, elle mette un i'tiqad sur cette personne. Par exemple, tu viens, tu demandes de l'aide à quelqu'un. Par exemple, que ce soit financier ou autre. Il ne faut pas que tu aies un i'tiqad comme quoi cette aide qui va te ramener, yani elle vient de lui-même. Alors, ça, فهذا قد يدخل في الشرك. نعم. وكذلك وربما هذا سيأتينا في دروس. قادمة. لكن لمن يشتغل الذي عنده عمل الراتب لفك إلى سالير ce salaire, il ne faut pas que la personne se mette dans sa tête comme quoi il va tomber sûr. C'est quelque chose de magmoun, c'est... Tu vois? Là, parce que là, toi, tu vas te reposer sur quelque chose. C'est comme si tu, ton tawakkul, il n'est plus sur Allah, c'est lui qui est raza. Là, il est sur fulan ou la antal ou la antal. Là. Le musulman, en vérité, il n'est pas comme ça. Non. Par exemple, ouais. Ouais, non. Le fait de se reposer là-dessus, de placer sa confiance là-dessus, alors, voilà. Kabir. Si tu dis, pas dans ton intention, c'est qu'une, c'est qu'une cause. Oui, non. C'est ça qu'il faut. Ah, tu dis, voilà, c'est une cause. Non. Mais eux, ça sera que la cause, quoi. Non. Non. Si c'est qu'une cause, là, bas. Mais là, nous, on parle de quoi? De le fait de. خلاص هذا لابد ça va venir سمحق ونحو هذا الكلام que ce soit ces allocations que ce soit un salaire mais ça va venir في كتاب التوحيد باب مستقيل في ذلك نعم طيب ثانيا الدعاء دعاء العبادة بأن دعاء العبادة donc on a fini avec دعاء المسألة دعاء العبادة أن يتعبد به للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه. Donc la dua ou l'ibada, c'est une œuvre que la personne elle va faire, que la personne elle va faire en guise d'adoration pour celui qu'elle invoque. Ça va? Par exemple, la salat, c'est une dua, dua, ibada. ودعاء مسألة، parce que dans la salat tu demandes à Allah عز وجل t'as des dua, ça donc ça c'est مسألة، mais le fait le ركوع والسجود وماذا القيام، tout ça ça rentre dans دعاء المسألة، parce que c'est une œuvre que tu fais en guise d'adoration، دعاء العبادة، عفواً دعاء العبادة، parce que c'est une œuvre que tu fais en guise d'adoration، par exemple le siyam، siyam le jeûne، c'est دعاء عبادة. C'est une dua ibad. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre que tu fais en guise d'adoration pour celui que tu invoques. Tu peux dire, oui, mais le siyam, il n'y a pas de dua. Ça veut dire, toi, en vérité, pourquoi on dit que c'est une dua? Parce que toi, quand tu fais ce siyam, c'est comme si tu demandes à Allah qu'il l'accepte. Et que de par ce siyam, il t'accorde ta récompense et il te préserve de son châtiment. Ça veut dire que c'est comme si tu faisais une dua, mais là, il savait... c'est pas pour talent, c'est pas pour had. C'est encore plus clair. C'est une dua mas'ala et dua ibad. La première partie de la fatiha. دعاء عبادة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا دعاء عبادة عرفت؟ et tout ce qui suit après اهدنا الصراط المستقيم jusqu'à la fin de la sourate هذا مسألة نعم comme c'est venu dans le hadith que Allah سبحانه وتعالى il a coupé la il a partagé la فاتحة en deux نعم طيب Donc, si on vous dit la zakat, payez la zakat. Dua masala ou la dua ibada? Dua ibada. Non. Ahsanta. Taïd. Wa hadha al-dua, yani dua al-ibada, sarfuhu li ghayrillah, shirk. La yaya laysa hunak tafsil kama taqaddama fi dua al-masala. Dua al-ibada, صرفه لغير الله شرك. Le siyam là, si tu le fais pour autre qu'Allah, c'est du shirk. La salat là, si tu la fais pour autre qu'Allah, c'est du shirk. La zakat, si tu la sors pour autre qu'Allah, c'est du shirk. Le dhabh, si tu dhabh pour autre qu'Allah, c'est du shirk. D'accord? فدعاء المسألة لا بأس أن يعني تصرفها لغير الله. أما دعاء العبادة لا بد أن تكون لله. طيب قوله كفرا كفرا إجماعا كفرا إجماعا يعني الإجماع على أنه كفر. Et quand on évoque l'ijma, c'est bien de savoir qui l'a ramené. Qui a ramené l'ijma. Donc c'est pourquoi on a évoqué des paroles de Cheikh al-Islam, mais toutes les paroles qu'on a évoquées, elles sont abarrées. Toutes les paroles qu'on a évoquées, elles sont abarrées parce que il y a une parole qui suffit en cela, et c'est celle que je vais vous dicter. Donc tout ce que j'ai mis, tout ce qui est toutes les paroles de Cheikh al-Islam, elles sont abarrées. Ça y est. Donc, قوله كفرا بالإجماع. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. Donc ça c'est la parole المعتمدة, c'est la parole sur laquelle il faut s'appuyer. Elle n'y est pas dans la manzaba. Elle n'y est pas dans la risala. C'est celui qui veut la laisser. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى مجلد الأول صفحة 231. Donc الشيخ الإسلام il a dit dans مجموع الفتاوى le premier tome et la page 231. قال من قال لا بد لنا من وساطة من قال لا بد لنا من وساطة بيننا وبين الله من قال لا بد لنا من وساطة بيننا وبين الله تعالى. Donc celui qui dit qu'il nous est impératif d'avoir des intermédiaires entre nous et Allah. هذا كلام حق يا محمد. Ah, on a eu deux Mohamed. Et les deux Mohamed, ils ont tous dit, lui il a dit non, lui il a dit oui. Man ya'ti bil kalam al fasl. C'est tafsil. C'est tafsil. Tu vois, c'est pas, en fait, tu peux pas répondre oui ou non. La masala, en fait. Si on fait une demande, si on fait du tort à l'intermédiaire, c'est ça? Alors, comme l'a dit, man qala la budda lana, celui qui dit, il nous est obligatoire d'avoir des intermédiaires entre nous et Allah. Non, mais obligatoire. Comment un intermédiaire? La budda. Parce que peut-être il n'était pas là. Ouais, peut-être c'est pas arrivé. Parce qu'en fait, il y a deux sortes d'intermédiaires. Il y a les intermédiaires qui sont légiférés. Et ceux-là, ce sont les messagers d'Allah. Parce que le prophète, alayhi salatu wa sallam, c'est un intermédiaire entre toi et ton Seigneur. Si tu dis, c'est pas obligé, là, tu rentres dans le coffre. Alors que... Et si tu dis, on est obligé, sans expliquer, tu peux rentrer dans le coffre d'une autre manière. Comme on l'a vu dans ce chapitre. Alors طيب, فقال... من قال لا بد لنا من وساطة بيننا وبين الله تعالى فإذا أراد بالواسطة أنه لا بد من وساطة فإذا أراد بالواسطة انظر شيخ الإسلام الإمام يدي s'il veut dire s'il sous-entend par l'intermédiaire s'il sous-entend par sa parole l'intermédiaire أنه لا بد من وساطة تبلغه أمر الله أو تبلغه أمر الله فهذا مما أجمع عليه أهل الملل. S'il veut dire que, s'il veut dire par sa parole, les intermédiaires, comme quoi, il est obligé d'avoir un intermédiaire qui transmet l'ordre d'Allah, alors ça, c'est une chose sur laquelle toute la communauté est unanime. L'ijma' ala anna hadha na'am. يعني عايز الكلام بالعربية طيب يعني من قال لا بد لنا من الوساطة بيننا وبين الله تعالى، فإذا أراد بالواسطة أنه لا بد من وساطة تبلغه أمر الله فهذا مما أجمع عليه أهل الملل ومن أنكر ذلك فهو كافر بالإجماع. Et celui qui refuse cela, comme quoi il y a bien et bien des intermédiaires entre Allah et ses créatures, et ce ne sont autres que les messagers d'Allah, ainsi que les anges. Et aussi, ça, yani les ulama, les savants, celui qui refuse cela, il a certes mécru. Bil ijma, selon l'unanimité des savants. Thumma qal, wa in arada bil wasita. Mais s'il veut dire par son mot wasita, vous avez comment il répond lui-même, Cheikh al-Islam, il t'explique bien là, en détail. C'est pas, tu ne peux pas dans cette masala répondre d'une seule parole. Tu es obligé d'expliquer. طيب ومن أنكر طيب وإن أراد بالواسطة أنه لا بد منه في جلب المنافع ودفع المضار. Mais si de par sa parole les intermédiaires, il veut dire comme quoi il nous est obligatoire d'avoir des intermédiaires pour s'attirer un quelconque bien ou pour repousser d'un quelconque mal. ورزق العباد وهداهم فهذا شرك. ورزق العباد وهداهم فهذا شرك. إن أراد بالواسطة أنه لا بد منه في جلب المنافع ودفع المضار ورزق العباد وهداهم فهذا شرك. Et s'il prétend aussi qu'on doit avoir des intermédiaires pour obtenir, pour que les serviteurs obtiennent leur subsistance ou la guider, alors ceci fait partie du shirk. Et vers la fin, il dit que cela c'est un ijma', l'ijma' al-muslimi. Cheikh l'islam. Donc celui qui a rapporté l'ijma' fi hadhihi al-mas'ala, Cheikh l'islam Ibn Taymiyyah. Tayyib wa ila huna wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah yarhamuk.